franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Une vie cabossée, fracassée. Rarement être humain aura connu une existence semblable dans ce 20e siècle plein de bruit et de fureur. Mais pour autant, pouvait-on pardonner à Hans Eugen Feuckner d'être devenu un espion en France, dans le pays de son enfant, celui qu'il aimait pourtant par-dessus tout? La question a été longtemps débattue. La cause de Feuckner a même trouvé un avocat de talent, l'écrivain Gilles Perrault, qui s'est battu avec acharnement pendant de longues années pour obtenir la libération de l'espion. Monsieur X avait annoncé la semaine passée qu'il ouvrirait un autre dossier sur l'espionnage est-allemand. Après m'avoir raconté l'histoire du réseau des poupées, il évoque donc aujourd'hui l'affaire Feuckner et l'itinéraire stupéfiant d'un jeune homme dont les parents ont été des héros, des membres du célèbre réseau de l'Orchestre Rouge qui ont péri tous les deux sous la hache d'un bourreau nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Le lien entre les membres du réseau des poupées et Hans Feuckner n'a jamais été formellement établi. Mais je suis sûr que si Feuckner a été arrêté, c'est parce que les deux couples, Kranich et Boehmler, ont été précédemment démasqués. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, notre contre-espionnage, la DST, a imposé sur cette affaire une telle chape de plomb qu'on est souvent réduit à formuler des hypothèses. Moi, ça, c'est un domaine où vous excellez. Oh, je vous en prie. Autre point qui me paraît essentiel, Hans Feuckner, dont on ne sait pas exactement quelle a été sa réelle activité en France, était un personnage de grande valeur pour ses employeurs est-allemands. Et donc pour le mystérieux maître espion Marcus Wolff. Oui, l'homme qui a inspiré le fameux Carla de John le Carré. Et Wolff, en effet, n'a eu de cesse d'obtenir sa libération. Ouais, comme si ce Feuckner était en possession de secrets considérables. Mais comme tout est hors du commun chez ce petit homme discret, au physique passe-partout, on ne peut qu'imaginer. Enfin, dernière observation préalable. L'histoire de Feuckner, de par ses origines familiales, est liée à celle de l'Orchestre Rouge. Ouais, ça, c'est un réseau d'espionnage soviétique qui a été très actif pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins au début. Ouais. Oui, et qui a mené la lutte contre les nazis. L'histoire de l'Orchestre Rouge a été révélée au grand public par l'écrivain Gilles Perrault. Oui, dans les années 60. C'est ça. Perrault qui a conduit une enquête minutieuse a en particulier retrouvé en Pologne celui qui était l'un des dirigeants de ce réseau, et peut-être même le plus important, Léopold Trepper. Mais là n'est pas l'essentiel. L'écrivain a retracé l'histoire de ces femmes et ces hommes qui ont combattu courageusement le nazisme au péril de leur vie. Et incontestablement, il s'est pris d'affection pour certains d'entre eux. Oui, parce qu'avant d'être des espions soviétiques, ils étaient pour lui des militants antifascistes. Exactement. Mmh. Mais cela, la machine froide du contre-espionnage ne pouvait le prendre en considération. Et quelques-uns de ces membres français de l'Orchestre Rouge ont été après-guerre suspectés et même inquiétés par la DST. Ouais, ce qui a révulsé Perrault. Bah, naturellement, et ça explique très bien son intervention dans l'affaire Feuckner. Si l'écrivain s'est battu bec et ongle en sa faveur, bah c'était aussi pour exprimer sa fidélité à ces militants de l'Orchestre Rouge qui ont payé de leur vie leur combat contre les nazis. Ouais. Et ça a été le cas des parents de Hans Feuckner. Hein. Oui, j'y viens tout de suite. Hans Feuckner est né à Danzig en 1928. Ses parents sont des artistes de cirque. Lui est un juif d'origine italienne. Elle est issue d'une famille nombreuse protestante. Allemande, hein. Oui, le couple et ses deux enfants mènent la vie itinérante des artistes de cirque et parcourent l'Europe. Et le jeune Hans se produit parfois sur la piste. Mais en 1934, coup du sort, Johann, le père, se blesse au cours d'une tournée en URSS. Il lui est désormais impossible de continuer à faire son numéro d'acrobate avec sa compagne. Cependant, la solidarité des gens du cirque se manifeste. Une solidarité peut-être pas tout à fait désintéressée. Qu'assumez-vous, là ? Hans se dira lui-même plus tard qu'après cet accident, sa mère, Kate Faulkner, a sans doute été recrutée par les services soviétiques. En tout cas, le couple regagne ensuite l'Allemagne. Mais les nazis sont arrivés au pouvoir. Ouais, et le père est juif. Par conséquent, la famille ne tarde pas à décamper et part pour la France. Et après pas mal de déboires, Kate et Johann s'installent dans le 20e arrondissement de Paris. Hans est rebaptisé Jean par les voisins. Et le gamin, parfaitement intégré, vit alors sans doute les années les plus heureuses de sa vie. Ouais, mais la guerre arrive vite. Quand la Pologne est envahie par les troupes hitlériennes, Johann essaye de s'engager dans le contingent polonais qui se constitue en France. Mais il est citoyen allemand et il se retrouve enfermé quelques mois dans un camp d'internement. Ouais. Jusqu'au moment, enfin j'imagine, où les nazis déferleront en France. Question importante, là. Si Kate a bien été recrutée par les soviétiques, que sait-on de son éventuelle activité au profit de Moscou ? Rien. Enfin, ce n'est pas très étonnant. Les services soviétiques avaient l'habitude de se servir à l'étranger d'agents dormants. Oui, qu'ils pouvaient activer quand il le fallait. Ou quand la situation personnelle de ces agents le permettait, oui. Or, justement, dès le début de l'occupation, le couple va occuper des positions très intéressantes pour les services de Moscou. Kate est engagée par l'un de ses compatriotes, originaire comme elle de Danzig, ce personnage. Le docteur Kleffeld est le directeur de l'organisation Saukel, une structure mise en place pour envoyer des contingents de travailleurs étrangers en Allemagne. Ouais. Et Johann, lui ? Il est recruté au Quai d'Orsay en tant qu'interprète de l'organisation Todd. Ouais, ça, c'est l'organisme chargé de dépecer l'économie française au profit de l'Allemagne. Hein. C'est ça. Donc, tous deux sont en mesure de fournir d'importantes informations à Moscou. Et ils deviennent des membres actifs de l'Orchestre Rouge. Ouais. Et le jeune Hans ? Malheureusement, il va devoir quitter son havre de paix du 20e arrondissement. Lui et son petit frère sont réclamés par l'Auslandorganisation, c'est-à-dire l'organisation des Allemands de l'étranger. Et ils sont obligés de rejoindre un chantier de jeunesse où on va leur inculquer le savoir-vivre nazi. Ouais. Le choc est rude. Hein. Oui, parce que ce chantier est une sorte de camp de rééducation. Et puis il y a la séparation familiale. Hans ne reverra sa mère qu'à Noël 1942 chez l'un de ses oncles de Danzig. Et ce sera la dernière fois. En février 1943, Kate et Johann sont arrêtés. Et quelques mois plus tard, condamnés à mort, ils ont la tête tranchée. Mais Hans ne l'apprendra que bien plus tard, grâce à cet oncle de Danzig. Et lui-même, alors Hans, que devient-il ? En janvier 1945, il a alors 17 ans, il est mobilisé, comme la plupart des jeunes Allemands, et aussitôt envoyé sur le front de l'Est. Là où se déroulent les plus violents combats. Et où l'avance de l'armée rouge semble irrésistible. D'ailleurs, les bataillons de ces jeunes combattants ne sont guère en état de faire front. Et Hans profite de l'une des offensives soviétiques pour déserter. Mais deux jours plus tard, il est repris par des SS lettons. Risque alors très gros. Hein. Mais en attendant son jugement et son exécution pour désertion, il est écroué à la prison de Stettin. Toutefois, l'avancée des Russes progresse. La prison doit être évacuée. Les prisonniers sont contraints à une marche forcée jusqu'à Butzow. Puis, c'est l'internement au camp de Bergen-Belsen. L'adolescent qui parle notre langue, je vous le rappelle, se place alors sous la protection d'un groupe de déportés français. Et la libération des camps est proche. Hein. Hans échappe ainsi au pire. Et dès qu'il est libéré, il revient à Paris et se précipite aussitôt au domicile parisien de ses parents. Car il ne sait pas encore ce qu'ils sont devenus. Mais décidément, le sort le poursuit. Pour les autorités françaises, Hans est un Allemand. Un ennemi, donc. Le jeune homme est arrêté et envoyé au camp de Drancy. Puis il est transféré à la citadelle de Clermont, où il passe plusieurs mois avant de rejoindre le camp de Pithiviers. Au total, de prison en camp, ce sont 11 mois d'errance et de privation pour le jeune Faulkner, ballotté par le destin. Mais le pire est à venir. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Dans son livre « Le KGB en France », Thierry Volton rend compte ainsi de l'activité de la mère de Hans. Agent soviétique, bien avant-guerre, Kate Faulkner est une employée disciplinée. Sur les ordres de Moscou, elle s'installe en France avec son ami Johann. En 1940, dans Paris occupé, Kate réussit à se faire embaucher comme secrétaire du directeur de l'organisation sans laquelle le service du travail chargé de mobiliser la main-d'œuvre au service du Reich. Pendant près de 3 ans, avec l'aide de Johann, elle communiqua au réseau Trepper des renseignements essentiels sur les contingents de travailleurs fixés pour chaque pays, leur affectation en Allemagne et les industries considérées comme prioritaires par les nazis. Arrêté début 1943, le couple est condamné à la décapitation par un tribunal militaire. « Je suis heureuse d'avoir pu faire quelque chose pour le communisme », se serait écrié Kate Faulkner en apprenant le verdict. Enfin, début mai 1946, Hans, ou plutôt Jean, comme il aime à se faire prénommer en France, est libéré. Et pour quelle raison précisément alors ? La préfecture de police de Paris a bouclé son enquête sur le jeune homme. Conclusion, la famille du jeune Faulkner ayant été victime des persécutions nazies, le loyalisme du jeune Faulkner, Jean, ne peut être suspecté. La police a quand même pris son temps. Cette même police qui a arrêté son père sur ordre de la Gestapo. Enfin, passons. Faulkner est donc libre. Mais il est dépourvu de moyens. Et il n'a alors que 18 ans. Hein. Et c'est une ONG, comme on ne disait pas encore à l'époque, qui le prend en charge, la CIMAD. Oui, ça c'est une organisation protestante. Qui, hier comme aujourd'hui, protège les étrangers en difficulté sur notre sol. Oui. On lui trouve d'abord une chambre et un stage de mécano à Ivry. À la banlieue rouge, la banlieue ouvrière. Hein. Et un bastion communiste, puisque c'est le fief de Maurice Thorez. Jean adhère à la CGT, puis au Parti communiste français et obtient un CAP d'ajusteur. Puis, toujours grâce à la CIMAD, il est envoyé au collège Sévenol du Chambon-sur-Lignon. Ouais, cet établissement renommé, hein, dont on a malheureusement et récemment beaucoup parlé à cause du meurtre d'une adolescente. Oui, anecdote, l'une de ses camarades de classe n'est autre que la future et talentueuse actrice Delphine Seyrig. Faulkner est toujours communiste ? Oui, même s'il a été un temps attiré par le protestantisme. Quoi qu'il en soit, en 1947, rompant avec ses tuteurs de la CIMAD, qui l'ont engagé à ne pas trop frayer avec les communistes, il revient à Ivry. Est-ce qu'il envisage alors de continuer à vivre en France ? Oh, très certainement. Mais il va commettre une erreur qui va lui coûter cher. 1947, vous le savez, est une année très agitée en France. C'est la rupture du pacte de gouvernement tripartite avec les communistes. Les grèves, les manifestations sont nombreuses. Dans un climat de guerre froide. Hein. Et cette erreur, alors ? Ben, il participe à l'une de ces manifestations orchestrées par le Parti communiste. Mais par malheur, il est arrêté par la police. Bon, il a beau être lâché au petit matin, quelques jours plus tard, il est convoqué au commissariat. Étranger, il n'aurait pas dû manifester. Il lui est immédiatement notifié son expulsion du territoire français. On ne lui laisse même pas le temps de passer chez lui. Le soir même, encadré par 2 inspecteurs, il monte dans un train à destination de l'Allemagne. Que devient-il là ? Pendant presque 2 ans, il va mener une vie erratique en vivant bien souvent d'expédients et sans bénéficier d'un statut très clair. Car les seuls papiers qu'il possède sont ceux qui lui ont été délivrés à Paris par la préfecture de police au nom de Jean Faulkner. À Mayence, où il est hébergé à nouveau par la CIMAD, qui y a ouvert un foyer, il fait une rencontre curieuse. Un épisode qui n'a jamais été vraiment éclairci. Racontez alors. Mayence est alors en zone d'occupation française. Et cette rencontre, c'est celle d'un capitaine de la Sûreté militaire française, un certain Henning. L'officier lui donne un coup de main, un peu d'argent, et lui trouve une embauche comme interprète à la gare de Mayence. Jusque-là, je ne vois rien d'étrange. Hein. Certes, mais Faulkner est toujours communiste. Il a d'ailleurs adhéré au PCA, le Parti communiste allemand, refondé après la guerre. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Là, ce capitaine a peut-être pensé obtenir des informations de la part de Faulkner en contrepartie de l'aide qu'il lui a apportée. C'est cela. Et votre avis, alors ? Bah, y a certainement là une part de vérité. La preuve, c'est que lorsque Henning sera remplacé, son successeur exigera du jeune homme qu'il l'informe sur les activités du Parti communiste. Et comme celui-ci refusera, il fera perdre son travail à la gare. Mais, d'un autre côté, Faulkner n'est pas non plus très à l'aise avec ses camarades communistes. Oui, à cause de ses relations avec les autorités occupantes. Naturellement. En tout cas, une nouvelle fois, Faulkner se retrouve sans le sou. et il n'a alors qu'une idée en tête, passer en zone soviétique. Mais il n'a même pas d'argent pour acheter un billet de train. Résultat, il chaparde, se fait prendre et écope d'une peine de 6 mois de prison, ce qui lui vaut aussi d'être exclu du parti. À sa libération, clochardisé, il travaille ici et là et réussit enfin à gagner la zone soviétique. Ce qu'il imagine être le paradis socialiste. À Leipzig, il prend contact avec les autorités afin de régulariser sa situation. Et assez naïvement, il confie toute son histoire. Et c'est la catastrophe. Bien entendu. Les communistes est-allemands, qui n'ont pas la réputation d'être très imaginatifs, trouvent son histoire plus que suspecte. Et comme ils ne savent pas quoi faire du jeune homme, ils le remettent aux mains de leur grand frère soviétique. Soumis à d'incessants interrogatoires, Faulkner, épuisé, finit par signer un procès-verbal où il reconnaît être passé en zone soviétique sur ordre des militaires français de Mayence. Pour espionner, donc. Conséquence ? En juillet 1949, un tribunal militaire le condamne à 25 ans de bagne. Il est envoyé à Bautzen, où la population pénale est surtout constituée d'ex-nazis. Hans, le communiste, fait figure de mouton noir. Il se réfugie dans les livres et trouve un peu de réconfort auprès de quelques vieux résistants allemands au nazisme, victimes de la terreur stalinienne. Mais dans ce bagne surpeuplé, il contracte la tuberculose et devra être amputé d'une partie de son poumon droit. C'est hallucinant. Toutefois, quand le bagne passe sous autorité de la Nouvelle République démocratique allemande, la RDA, son sort s'améliore quelque peu. Et en mai 1955, il est libéré. Fin du cauchemar ? Oui, il est d'abord bibliothécaire, puis il dirige une maison de la culture et enfin toute une région, toujours dans le domaine de la culture. Et en RDA, ça signifie qu'il a donné des gages aux communistes. Il a même intégré officiellement le parti. Il s'est aussi marié. Rosemary lui donnera 3 enfants. Détail capital. Hans Faulkner a retrouvé son oncle de Danzig. Et celui-ci lui remet des lettres de ses parents. Et c'est ainsi qu'il apprend quel a été leur tragique destin. Et il semble bien que cette découverte bouleversante l'ait encouragé à répondre positivement aux offres de recrutement du service de renseignement est-allemand, le HVA de Marcus Wolf. Par fidélité posthume à ses parents. On peut le penser. Et que lui demande le HVA alors ? Faulkner est nommé directeur d'une agence de voyage. Une agence officielle donc ? Bien sûr. Et à ce titre, il s'occupe du séjour des hommes d'affaires qui se rendent régulièrement à l'importante foire commerciale de Leipzig. Parmi eux se trouvent des Français. Avec lesquels le francophone Faulkner peut nouer des contacts fructueux. C'est bien sûr le but de l'opération. Faulkner doit faire en sorte de repérer des gens susceptibles de devenir des agents est-allemands en France. Une mission de confiance, donc. Oui, Faulkner, intelligent et cultivé, a fait son chemin au sein des services de renseignement. Il aurait même été nommé lieutenant-colonel, lui aussi. Et il est aussi virtuellement le chef d'un réseau d'espionnage est-allemand en France. Virtuellement, en effet, car il quitte rarement la RDA. Et quand il devra être obligé de se rendre une dernière fois en France, ce sera pour son malheur. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Gilles Perrault, dont nous avons parlé au début de cet entretien, a publié un ouvrage, Checkpoint Charlie, où il raconte en particulier l'histoire de Faulkner et son propre combat en faveur de ce dernier. Extrait. Perrault, qui ne l'a encore jamais vu, le décrit tel qu'il lui est apparu au premier jour de son procès en France. Je découvris un petit homme dont le regard s'entendait mal avec la physionomie et le comportement. De toute ma vie, je n'ai croisé un regard aussi triste. Une tristesse non liée à une humeur épisodique ou à des circonstances malheureuses, une tristesse en quelque sorte existentielle. Hans Faulkner était d'abord ce regard. Le visage, énergiquement dessiné, annonçait du caractère et la voix, très assurée sans être pour autant déplaisante, laissait peu de place aux équivoques. Il avait 41 ans. On pressentait qu'il avait beaucoup vécu, enduré, surmonté. Néanmoins, rien d'une victime. Il montrait une sérénité sans faille et son sort personnel ne le préoccupait pas. La vie semblait lui avoir apporté tant de réponses qu'il ne se posait plus guère de questions. Avant de revenir à Faulkner, voyons justement quelles étaient les activités des espions est-allemands en France. Bon, je vous en ai déjà donné une idée la semaine passée. Ce qui intéressait essentiellement Marcus Wolf et son service, c'était les organisations internationales installées à Paris, l'OTAN et l'OCDE. Parce que le camp de l'Est les jugeait dangereuses pour la sécurité soviétique. Ouais. Et l'OTAN était déjà la cible du réseau des poupées dont vous m'avez précédemment parlé. Et il n'est pas exclu que Faulkner ait été aussi à distance le pilote de ce réseau, mais je n'en sais pas plus. En matière d'espionnage, le cloisonnement est impératif. Par conséquent, les deux réseaux ont pu agir en même temps sans avoir aucune relation. En tout cas, Faulkner a donc supervisé l'implantation d'un réseau est-allemand en France destiné à espionner l'OTAN. Hein. Incontestablement. Faulkner a d'abord recruté à la foire commerciale de Leipzig un certain Jacques Lehmann. Qui était celui-là ? C'était un courtier commercial d'une soixantaine d'années qui se prétendait également journaliste. Se prétendait L'était-il vraiment ? Bon, il faisait des piges ici et là, mais c'était surtout un type qui tirait en permanence le diable par la queue. Ouais. C'est donc pour l'argent qu'il a accepté de travailler pour les services est-allemands. C'est évident. Mais quel intérêt représente-t-il aux yeux de Faulkner ? Affairiste, journaliste, vénal et sans grande envergure, il s'intéresse néanmoins aux questions internationales et assiste fréquemment aux conférences de presse de l'OTAN et du ministère français des Affaires étrangères. Ouais, bah, c'est pas là qu'on peut récolter des informations confidentielles. Ouais, hein. Bon, je suis d'accord, mais on peut y faire des rencontres, nouer quelques amitiés. Et quel est son véritable objectif alors, lorsqu'il devient un agent ? Sur ordre du HVA, il s'est d'abord lié avec une très jolie femme d'une quarantaine d'années, Marthe Danilo, une modeste secrétaire. Parenthèse, Lehmann agit de conserve avec sa sœur, Suzanne. Un couple, bah, ça inspire confiance. Ouais. Un mot sur cette Marthe Danilo ? Oh, elle présente très bien. Ah oui, bien sous tout rapport. En tout cas, elle n'a jamais fait parler d'elle. Sténodactylo, elle a d'abord été employée dans une entreprise de confection. Devient-elle la maîtresse de Lehmann ? Bah, ça me paraît probable, à moins qu'elle n'ait été elle aussi tentée par des promesses de rémunération. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle aurait accepté de travailler pour Lehmann et les services est-allemands. Mais justement, que lui demande Lehmann alors ? Il veut à tout prix qu'elle sollicite un poste à l'OTAN, ou à la rigueur à l'OCDE. Mais les dossiers de candidature sont soumis préalablement à la DST. Et le contre-espionnage s'oppose à son recrutement dans ces organisations internationales. Et pour quelle raison ? Ah ben je l'ignore. Mais il se trouve que cette jeune femme est la fille de l'agent électoral d'un éminent et puissant personnage politique breton de la Ve République. Ouais. Et finalement, Marthe Danilo arrive à ses fins. Elle est engagée, bah, non pas à l'OTAN, mais au ministère des Affaires étrangères, en 1965. Mais autant vous dire tout de suite que lors du procès, en 1970, les conditions de son engagement seront pudiquement passées sous silence. Ouais, on ne parlera pas de ce ministre. Et que fait-elle exactement au Quai d'Orsay ? Elle est affectée au service du chiffre. Le coup de pouce dont elle a bénéficié est donc providentiel. Hein. Et Lehmann doit se frotter les mains. Toutefois, elle ne restera pas trop longtemps dans ce secteur sensible et sera ensuite mutée au service des affaires culturelles du ministère. Une explication ? Elle a peut-être été jugée trop curieuse. Quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour le HVA, car malgré ses demandes réitérées, Marthe Danilo ne sera pas réintégrée au service du chiffre. Mais il se produit aussi un autre coup dur. En janvier 1969, Jacques Lehmann meurt et sa sœur, convoquée en RDA, ne semble pas de taille à prendre la succession. Sur ordre du HVA, Faulkner est donc contraint de se rendre à Paris pour reprendre en main ce réseau en déshérence. Vraiment contraint ? Oui, car le réseau de feu Jacques Lehmann ne lui semble pas mériter d'être réactivé. Et par ailleurs, son agence de voyage l'occupe à plein temps. En outre, Faulkner vient de subir un terrible coup moral. Il vient de perdre l'une de ses filles dans un accident de voiture. Mais il lui faut toutefois obéir. Ah ben, on ne lui laisse pas le choix. Au printemps 1969, la mort dans l'âme, il se prépare donc à partir. Il doit rencontrer Marthe Danilo et Suzanne Lehmann le 15 mai à Paris, place de l'Opéra, au Café de la Paix. Mais ce qu'il ne peut savoir, c'est que dès le 3 avril, les deux femmes ont été arrêtées par la DST. Une arrestation donc tenue secrète. Ah oui, dans l'attente de la venue de Föckner. Et celui-ci va tomber dans le piège. Oui, Marc Danilo, à qui on a sans doute promis la clémence, l'a trahi. Ouais. Hans Föckner est arrêté. Est-ce qu'il avoue être un agent est-allemand ? Oui. Cependant, il explique qu'il n'a jamais voulu trahir la France, sa patrie d'adoption, mais uniquement ses organisations internationales qui mènent une politique agressive contre l'URSS. Et au fond, en agissant ainsi, il n'a fait que poursuivre l'action de ses parents, morts en héros. Ce à quoi l'accusation pourra répondre lors du procès que, puisque la France adhère à ces organisations, son action d'espionnage nuisait aussi aux intérêts français. Oui, ça me semble assez logique. Et avant d'en venir au procès lui-même, là, peut-on tirer un bilan de l'activité de ce réseau est-allemand ? Si l'on s'en tient à ce qui a été révélé par la DST, ça paraît bien maigre. Quelques informations politiques, des annuaires diplomatiques recueillis par Marc Danilo, bref, peu de choses. À moins que les policiers français n'aient pas dit toute la vérité. Ce qui expliquerait l'extrême sévérité de la peine à laquelle Föckner va être condamné. 12 ans de réclusion. Donc tout n'a pas été dit. C'est ma conviction. Parce que Föckner n'était pas le personnage relativement effacé, discret et courtois qui a comparu devant la Cour de sûreté de l'État. Sinon, pourquoi Marcus Wolf aurait dispensé autant d'efforts pour récupérer son agent ? Alors le procès là... Je vous l'ai déjà dit, on a fait l'impasse sur de nombreuses zones d'ombre. Mais ce qui est notable et qui a été souligné par les observateurs, c'est qu'il s'est établi une sorte de connivence entre le président de la Cour et l'accusé. Une connivence de quel ordre, là ? Pour ce haut magistrat, l'homme qui se trouvait dans le box était un homme estimable et pas l'un de ces espions qui vendent leurs secrets aux plus offrants. Au fond, il a considéré que Föckner était un soldat qui n'avait fait que travailler pour son pays. Oui, mais ça n'a pas empêché la Cour de lui infliger 12 ans de prison. Hein. Il avait raison. L'élégance a ses limites. Ouais. Et les deux femmes du réseau ? Elles ont comparu libres. Et elles sont ressorties libres, car elles n'ont été condamnées qu'à de légères peines assorties de sursis. Et la suite ? Je vous l'ai dit, le HVA a fait des pieds et des mains pour récupérer son agent. Mais Perrault a aussi joué un grand rôle. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se confronter publiquement avec le directeur de la DST, l'inflexible préfet, Jean Rochet, quitte à passer lui-même pour un agent de l'étranger. Et j'ajoute que tout au long de la détention de Föckner, l'écrivain lui a régulièrement rendu visite. Et quand cet espion est-allemand a-t-il été libéré ? En septembre 1974, à l'occasion d'un échange dont on n'a pas su grand-chose. Mais n'est-ce pas depuis le début la tonalité de cette étonnante affaire d'espionnage ? Confirmation de l'importance de l'agent Föckner pour son service. Je l'ai trouvé dans une déclaration du commissaire de la DST qui a procédé à son arrestation. Lors du procès, voici ce qu'il déclare. C'est une personnalité attachante, intelligente et adroite. Son arrestation a causé du tort à son service car son zèle dépasse le cadre de ce procès. Il a été retiré d'autres missions pour être placé dans ce réseau. Il a dû rendre des services appréciables et son action a été dommageable pour l'Occident. Mais, pour son ardent défenseur Gilles Perrault, il aurait été plus équitable de tenir compte de son passé et des services que ses parents avaient rendus à la cause anti-nazie et donc aussi à la France. Ce qu'il a exprimé avec talent dans son livre « Checkpoint Charlie ». Sur franceinter.fr et même sur patrick.penaud@radiofrance.com, vous pourrez communiquer avec nous et peut-être même réécouter ce programme à samedi prochain. Merci à Rebecca Denante qui a préparé cette émission, à Michel Biou qui l'a réalisée et à Monsieur Djou pour ses petites notes de musique. Tout de suite après le flash, un peu de verre, CO2 mon amour de Denis Chessou.